Franchement, le pain, ça peut aller. C'est vraiment pas ça qui dérange. Un peu croustillant sous la dent. C'est juste comme ça que je l'aime, le pain. Tu sais, sandwich, ça peut aller. Mais les cornichons laissent à désirer. Et le poulet, j'en apprendrais si je le pouvais. Et ce fromage et ce curry. Oh, le curry, oui, le curry. Tu sais, sandwich, ça peut aller. Mais les cornichons laissent à désirer. Tu sais, sandwich, ça peut aller. Mais les cornichons laissent à désirer.